Chapitre 9e. Pas le mauvais garçon. Une fois de plus, Bellegarde n'avait pu s'empêcher d'être personnellement touché par la mort de l'adolescent. Cette faiblesse était connue de tout le service, mais personne ne se serait avisé d'en rire. L'homme était bien trop apprécié pour cela. Au contraire, on portait plutôt cette grande sensibilité à son crédit. En effet, malgré ses nombreuses années de service, Bellegarde ne s'était jamais endurci et il n'avait donc rien du policier blasé. Cette sensibilité lui avait permis de conserver un regard frais et de ne pas se laisser piéger par les schémas d'enquête traditionnels. Tout comme Dutilleul, il n'aimait rien plus qu'aller au-delà des apparences. Même s'il possédait une analyse moins acérée que Dutilleul, il compensait ce léger handicap par une patience doublée d'une ténacité à toute épreuve. Inutile de tenter de le coincer à l'usure. Malgré les années de service, Bellegarde conservait toute son endurance. C'est pourquoi il n'hésitait pas à se charger des interrogatoires les plus pénibles. Bellegarde, sous ses allures parfois un peu pataudes, était un fin renard et bon nombre de prévenus s'y étaient cassés les dents. En revanche, dès qu'il y avait du sang, il valait mieux s'adresser à quelqu'un d'autre. Dutilleul en était parfaitement conscient, mais il ne lui serait jamais venu à l'idée de reprocher cet état de fait à son second. De toute façon, il le connaissait depuis trop longtemps, les deux hommes ayant pratiquement fait toute leur carrière ensemble. C'était Bellegarde qui avait mis le pied à l'étrier à Dutilleul, et même si celui-ci avait eu une plus grande évolution professionnelle, il n'avait jamais oublié son Bellegarde pour autant. Tout comme Patricia Martineau, il faisait partie du package qui avait suivi Dutilleul dans ses évolutions successives. Il n'avait jamais transigé sur ce point. C'est donc un Bellegarde profondément bouleversé qui vint rejoindre Dutilleul dans son bureau ce matin-là. Bellegarde venait de lire le rapport d'enquête concernant le jeune homme et s'apprêtait à en faire une brève synthèse. « Il a été salement amoché, chef. Il a été battu à mort et abandonné, nu, dans une poubelle. Sans une voisine, on ne l'aurait pas découvert. Quand a-t-il été agressé ? Il y a un peu plus de 15 jours. Le fait ne nous est pas remonté parce que c'était en banlieue et même sacrément loin. » Des choses intéressantes dans le rapport du légiste ? En dehors de la mention de coups multiples, pas vraiment. Encore qu'aucun coup porté n'était létal, ce qui rend cette mort d'autant plus cruelle. En fait, c'est le froid qui l'a achevé. Autre point d'importance, il ne se droguait pas. Tiens donc, ça devient rare de nos jours. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez vu la famille ? Rapidement, mais la mère devrait passer cet après-midi. Je vais la recevoir. Non, Bellegarde. Je vais le faire moi-même. Girardin, toujours sur l'affaire Grimbert, mais on n'avance pas. Dans ce cas, retournez interroger la voisine qui a découvert le gosse. Cela peut être intéressant. Bien, chef. Madame Dacroux était à l'heure et se tenait très droite. Dutilleul, d'entrée de jeu, put la qualifier d'austère, mais non de froide. Sa douleur était visible, mais elle se contrôlait. Elle arborait un tailleur sombre de bonne coupe. Elle portait également des gants gris perles en chevreau. Toute sa personne émanait le soin. Le regard était direct. Il ne servirait donc à rien de tergiverser. Madame Dacroux, si je vous reçois aujourd'hui, c'est que le nom de votre fils est apparu de façon bien curieuse dans une autre affaire. Dutilleul n'eut pas le temps de poursuivre sa phrase que Madame Dacroux l'interrompit. Vous avez retrouvé son blouson, n'est-ce pas ? Oui, comment le savez-vous ? C'est la seule chose qui manquait quand on l'a retrouvé nu comme un ver dans cette poubelle. C'est ce qu'il a achevé. Pensez, avec une température pareille. Le laisser ainsi, ses affaires soigneusement pliées à côté de lui. J'ignore les monstres qui ont fait cela, mais j'espère sincèrement qu'ils paieront un jour. Mon Richard ne méritait pas d'être traité de la sorte. C'était si délibérément cruel. Où l'avez-vous retrouvé ? Je ne peux hélas vous le révéler pour l'instant. Madame Dacroux, est-ce que votre fils a repris connaissance à un moment ou à un autre ? Ça, je peux bien vous jurer que non. Je suis resté avec lui jour et nuit, jusqu'à la fin. De toute façon, je ne pouvais plus dormir. Où étaient les vêtements ? Comme je vous l'ai dit, au pied de la poubelle, bien en évidence. Tout y était, même ses papiers. C'est ce qui rend la disparition du blouson d'autant plus incompréhensible. Saviez-vous qu'il avait disparu ? Non. Remarquez, je n'avais plus guère de contact avec lui. En fait, c'est surtout son père qui s'en occupait. Comme celui-ci est constamment entre deux avions, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la police m'a appelé, parce qu'il n'arrivait pas à le joindre. Donc, vous n'avez aucune idée de ce que votre fils faisait en banlieue. Hélas, pas la moindre. Je suis même étonné qu'il s'y soit rendu. Ce n'était vraiment pas un endroit pour lui. Nous n'y avions aucune relation. Votre fils faisait des études. Études serait un bien grand mot. Il se contentait de se maintenir au niveau dans une boîte à bac assez chère. Votre fils a-t-il eu des ennuis dans le passé? Oh, puis à quoi bon le cacher? Vous finirez bien de toute façon par l'apprendre. Oui, il a eu des ennuis. Pas très sérieux, mais il s'est fait mettre à la porte de 3 établissements. Il en ressentait même une certaine fierté. C'était comme s'il était décoré. Au 3e, j'ai dit à mon mari de s'en occuper parce que je ne savais plus quoi faire. Vous comprenez, Richard avait de bonnes capacités. Simplement, il avait décidé une bonne fois pour toutes que l'école n'avait rien à lui apporter. Je me suis battu comme j'ai pu. Je n'ai jamais manqué de fermeté, mais je n'ai rien pu faire. Pourtant, il n'avait rien d'indur, vous savez. Ce n'était pas de la graine de délinquant. Il a toujours été très affectueux, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis sûr qu'il ne nous disait pas tout. Parfois, il semblait si malheureux. Quelquefois, il paraissait sur le point de nous parler, mais il n'osait pas. Je crois que c'était plus par pudeur qu'autre chose. Pour ma part, je l'ai toujours regretté. Surtout que nous sommes, mon mari et moi, des gens plutôt ouverts, ou du moins je le croyais. De toute façon, je ne l'ai plus vu beaucoup quand il a intégré l'institution des Tournelles. C'est l'établissement où il était scolarisé? Au fait, quand l'a-t-il intégré? En fin de seconde. Naturellement, il a dû redoubler, mais il a plutôt bien pris la chose. Les notes étaient correctes, du moins pour lui, et pour une fois, il n'y avait aucun problème de discipline, même si l'établissement ne me plaisait guère. Pourquoi cela? C'est difficile à expliquer. Je trouvais les prix tout à fait exorbitants, surtout au regard des prestations offertes, en dehors du sport. Les professeurs étaient, à mon sens, médiocres, et la charge de travail demandée insignifiante. Rien n'était vraiment approfondi. Cependant, elle suffisait à mon mari. Au fait, votre mari est rentré? Je l'attends cette nuit. Nous enterrons Richard mardi. Ce sera en province, en petit comité, même si toute sa classe, directeur en tête, voulait se rendre aux obsèques. Nous avons refusé, naturellement. La mort n'est pas un spectacle. Pourriez-vous me communiquer l'adresse de l'établissement où votre fils était scolarisé? Bien sûr, je l'ai prise avec moi. J'ai pensé qu'elle pourrait vous être utile. Je crois que c'est dans le 14e arrondissement. Vous allez y faire un tour? Pourquoi pas? Retrouvez-les. Pourquoi employez-vous le pluriel? Parce que je suis sûr qu'ils étaient plusieurs. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Merci. Je sais que Richard était très loin d'être parfait, mais il ne méritait pas une telle barbarie. Une telle visite tombait plutôt bien, car du Tilleul devait déjeuner avec un vieil ami, Charles Mercier, un ancien proviseur de lycée. Dès qu'il avait entendu le nom de l'institution des Tournelles, il s'était dit que ce serait certainement une précieuse source de renseignements. Charles Mercier se ferait d'autant moins prier qu'il goûtait depuis près de 2 ans une retraite bien méritée, retraite qui, hélas, commençait déjà à l'ennuyer. Aussi s'empressa-t-il d'accepter l'invitation. Du Tilleul avait choisi un restaurant de fruits de mer. Le repas fut gai, agrémenté de nombreuses anecdotes de part et d'autre. Cependant, Charles Mercier, en homme intelligent, n'était pas dupe. Aussi prit-il l'initiative d'attaquer au digestif. « Cher ami, vous brûlez de visiblement m'interroger. Alors, de quoi s'agit-il? » « Eh bien, c'est vrai que j'aurais besoin d'informations. Ma foi, si je puis vous aider, annoncez toujours. » « Institution des Tournelles, dans le 14e A. » L'œil de Charles Mercier s'alluma instantanément. « Oui, je connais. Curieux établissement. Dirigé par un personnage non moins intrigant, Bertrand Madrier. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il semble qu'il ait des méthodes bien à lui pour lutter contre l'échec scolaire. Avec des résultats. Sans aucun doute. C'est même une adresse très cotée auprès de certaines professions comme les médecins ou les avocats. Certaines vedettes du petit écran y ont recours, elles aussi, surtout celles dont la progéniture a eu quelques ennuis dans le passé. Avec Madrier, tout rentre dans l'ordre et tout le monde est content. Naturellement, il est horriblement cher et beaucoup s'interrogent sur la destination des fonds qu'il pompe aux parents. Mais c'est indéniable, tout finit par rentrer dans l'ordre. Son activité est parfaitement légale et, point à ne surtout pas négliger, il a de très solides appuis. Je n'en doute pas. Un bon édredon de relations. C'est vrai que cela peut toujours servir. Je ne vous le fais pas dire. Le niveau ? Bah, mais avec une telle population. Bien inférieure à la moyenne nationale. Beaucoup de redoublements, mais je ne peux pas en dire plus. Je ne compte plus guère de connexions là-bas. Dans le temps, il y avait cette très bonne Madame Favier, mais elle est comme moi. Elle a atteint la limite d'âge. Donc, à franchement parler, pas vraiment l'établissement à recommander. Entre nous ? Certainement pas. Pas d'affaires bizarres ? Non. Ou s'il y en a, ça reste en famille, si vous voyez ce que je veux dire. Avec Madrier, ce n'est pas étonnant. Jamais de vagues. Un chèque, c'est bien connu, ça range tout. Pourtant, à ce que j'ai ouï dire, l'établissement n'est pas vraiment en bon état. Cependant, on dirait que les parents s'en moquent. Ça, ce n'est pas très étonnant. Après tout, ce n'est pas eux qui doivent y vivre à l'année. En tout cas, je vous remercie de cet éclairage qui va indéniablement m'aider. Pas de quoi. Toutefois, j'aimerais bien savoir à quoi rime ce flot de questions. Dit malicieusement Mercier. Je ne peux rien dire pour l'instant. C'est trop confus. Néanmoins, je vous informerai le moment venu. Une dernière chose. L'établissement est sous contrat avec l'État. Vous plaisantez. Je crois que rien n'est aux normes. Cela coûterait bien trop cher. Si je me souviens bien, le bâtiment principal doit dater de la fin du XIXe siècle. Il me semble même qu'il a été construit pour des banquiers qui ont été ruinés par la guerre de 1870. Il a été racheté en 1873 et il me semble que les tournelles ont ouvert 2 ans plus tard, alors même que les travaux n'étaient pas finis. Au départ, l'établissement n'était réservé qu'aux garçons. Il n'est devenu mixte que très tardivement.